Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons le premier podcast de la radio du collège Pierre Lavitry. La protection des animaux est un sujet qui nous tient tous à cœur. Petit comme grand, le sort des animaux nous importe à tous et nous touche. Et le 30 novembre dernier, c'est tout le pays qui s'est mobilisé avec une nouvelle loi contre la maltraitance animale. Nouveau certificat pour l'acquisition d'un animal de compagnie, sanctions renforcées en cas de sévices et de zoophilie, fin des delphinariums. Ce sont quelques-unes de ces mesures de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale. J'invite quelques experts de la cause sur notre podcast et nous commençons avec Elodie et Louisa qui vont nous parler de la lutte contre les abandons des animaux domestiques. Bonjour les filles. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Pour limiter les achats impulsifs et prévenir les abandons, le texte impose aux futurs propriétaires d'un chat ou d'un chien ou d'autres animaux de compagnie de signer un certificat d'engagement et de connaissance. Elodie, peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Toujours pour lutter contre les abandons, les parlementaires ont voté l'interdiction de la vente des chiens et chats en animalerie à partir de 2024, l'interdiction des offres de cession sur Internet des animaux de compagnie, l'interdiction de la vente ou du don d'un animal de compagnie aux mineurs sans accord de leurs parents. Et ce n'est pas tout, n'est-ce pas Louisa ? En effet, le texte renforce par ailleurs la législation sur les nouveaux animaux de compagnie et contient des mesures sur les équidés, notamment la création d'un certificat d'engagement et de connaissance pour les détenteurs particuliers, l'interdiction des manèges à poney et une nouvelle procédure de vente forcée pour les chevaux abandonnés chez un professionnel. Et ce n'est pas fini. Elodie, peux-tu nous parler des dispositions mises en place ? Avec plaisir. Les dispositions sur les fourrières sont revues. Les communes pourront confier cette mission à des associations disposant d'un refuge. L'obligation pour le maire de faire stériliser les chats sauvages sur sa commune a été remplacée par une expérimentation sur 5 ans d'une action coordonnée contre la prolifération de chats errants par l'État et les collectivités locales volontaires. Merci les filles pour cette intervention. Sur ce, nous retrouvons Corentin qui va nous parler plus précisément du renforcement des sanctions contre la maltraitance des animaux domestiques. Bonjour Corentin. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Le code pénal punit déjà les sévices graves ou les actes de cruauté envers un animal domestique. Sont aussi aggravées les peines en cas d'abandon dans certaines circonstances. Par ailleurs, un amendement transforme en délit le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé. Des exceptions sont prévues pour les traditions locales, tauromachie notamment. Merci Corentin pour cette intervention. Maintenant, nous retrouvons Audrey qui va nous parler de la fin des animaux sauvages dans les cirques itinérants et les delphinariums. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Les spectacles de dauphins ou d'orques seront interdits à partir de 2026. Il sera mis fin à leur détention et reproduction en captivité, sauf dans le cadre de programmes de recherche scientifique ou dans des refuges pour animaux sauvages captifs. Les spectacles avec des animaux sont prohibés dans les discothèques ou fêtes privées. À partir de 2023, il ne pourra plus y avoir d'animaux sauvages dans les émissions de variété ou de jeux à la télévision. Enfin, il est mis fin aux élevages de visons d'Amérique et d'autres espèces sauvages pour leur fourrure. Merci à tous pour votre intervention. La cause animale est très importante pour chacun d'entre nous. Elle devrait devenir primordiale dans les années à venir. Parler de ce sujet dans notre premier podcast nous tenait vraiment à cœur. En espérant que ce premier podcast vous aura plu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle thématique. C'était Charlotte pour la radio du collège Pierre Lavitry.